Bonsoir, bienvenue à cette conférence. Aujourd'hui, le sujet, c'est tout ce que vous auriez voulu savoir, tout ce que vous voulez savoir ou auriez voulu savoir sur la réincarnation. Je me présente, je suis Michel Lasserre, je suis policier et homme d'affaires. Bonsoir, je suis François Martel, éducateur physique et homme d'affaires. Bonsoir, je suis Annie Poisson, écrivain. Alors, Daniel, la réincarnation, pour se placer, est-ce que la réincarnation, est-ce que c'est un fait? Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Moi, je crois pas. Tu crois pas à la réincarnation? Non. Est-ce que c'est des... c'est une mécanique ou une chose qui se produit? Donc, je ne crois pas à la réincarnation? Bon, est-ce que tu sais qu'il y a la réincarnation? Oui. Est-ce que ça existe? Bon, je vais me familiariser. Ça existe autant que ce qui existe existe. Ça existe parce qu'on en parle ou... Non, ça fait partie des mécaniques de l'illusion, sauf que c'est évident que l'être humain est immortel. La mortalité de l'être humain, ce n'est pas dans la chair. L'être humain est mortel uniquement parce que l'être humain perd la mémoire. Et l'être humain perd la mémoire parce qu'au départ, l'être humain a perdu le savoir. Alors, au départ, on sait qu'on vit, on n'a pas besoin de l'apprendre ou l'expérimenter. Et à travers les processus de l'historicité humaine, l'humain a fini par perdre le contact avec le savoir. Donc, il a expérimenté qu'il avait vécu. Expérimentant qu'il avait vécu, il en déduisait donc qu'il vivait. Et lorsque le corps physique meurt, l'être humain perd sa mémoire parce que la mémoire est matérielle. L'humain perdant sa mémoire, nécessairement, il ne se rappelle plus qu'il a existé. Donc, pour lui, il est mort. Donc, la réincarnation, c'est la capacité du retour de la conscience à travers la chair. On sait que « carné » en espagnol veut dire « viande », donc « réincarner », c'est « retourner dans la viande », et « incarner », c'est « descendre dans la viande ». Ah, c'est l'étymologie. Bon, c'est sûr que c'est moins, c'est comme le cochon dans la cour, puis le porc sur la table. Hein. Bon, alors... Est-ce qu'on peut être simplement incarné, non pas réincarné? Bon, de toute façon, on est simplement incarné. Dans les pieds, pour certains. Dans les ongles et ou dans le corps. Bon, on est incarné, mais dans le processus évolutionnaire de la psychologie humaine, dans l'âme, elle se réincarne. Mais l'homme, la femme ou l'enfant, la conscience, ne se réincarne pas parce qu'elle ne se désincarne pas. Elle reste incarnée. Autrement dit, pour avoir une vraie réincarnation, du point de vue de la conscience, par exemple, il faudrait que la mère et le père n'engendrent pas d'enfant et que l'enfant, à un moment donné, par génération spontanée, apparaisse. Mais comme ce n'est pas le cas, on sait très bien, n'est-ce pas, qu'il faut un homme et une femme, dans la majorité des cas, pour faire des enfants forts, en tout cas. Et puis, ça engendre un enfant, sauf que l'enfant, la conscience de la mère et du père est transmise à l'enfant à l'instant même où le spermatozoïde entre en contact avec l'ovule. Il y a déjà, disons, continuité incarnative de la conscience de la mère et du père, ce qui fait que, du point de vue psychologique ou du point de vue, disons, traditionnel, la mère et le père se réincarnent dans leur enfant à l'instant même où il y a fécondation. Donc, quand l'enfant vient au monde, 9 mois plus tard, l'enfant a déjà 9 mois. Quand on suit un jour un extraterrestre demande « À quel âge êtes-vous né? » Dites-lui 9 mois. Pensez pas que c'est niaiseux. Donc, on est autour de 9 mois. Et après 9 mois, l'enfant a déjà la conscience des parents chez lui. La conscience des grands-parents génétiques, parce qu'au niveau de l'incarnation astrale, des réincarnations astrales, ça reste au niveau des corps des parents. Et là, notre enfant, lui, va continuer à vivre à travers la conscience. La conscience ne s'est pas désincarnée. Quand la conscience, autrement dit, quand l'homme va se désincarner, et non pas à la mort de la chair, quand l'homme va se désincarner, c'est quand l'homme n'aura plus besoin des véhicules inférieurs, c'est-à-dire du plan mental, du plan astral, du plan vital, du plan physique. Et ça va se faire dans quelques années, mais ça ne s'est jamais fait dans le passé encore. Mais là, tu parles de deux choses. Tu parles d'incarnation puis de réincarnation. Oui, l'homme ne se réincarne pas, mais les mémoires de l'homme se réincarnent. Pour la majorité de la planète, étant donné que les mémoires de l'homme, c'est l'homme, l'homme se réincarne. Mais dans l'absolu, l'homme se réincarne. Ça veut dire qu'on devrait avoir aussi la conscience de tous nos ancêtres. Tu as la conscience de tous tes ancêtres, sauf que tu n'as pas la conscience de tous tes ancêtres comme de la mémoire. C'est ça, non, tu l'as présentement, et pas comme de la mémoire. C'est ça qui est le problème, c'est que l'humain cherche, par exemple, ses réincarnations, ses vies antérieures. On n'a pas de vie antérieure. On a vécu, moi j'ai vécu sur la planète Terre ici un peu plus de 901 années. Bon, mais je ne peux pas dire j'ai eu des vies antérieures. Pourquoi? Parce que je n'ai pas cessé de vivre. Bon, mais c'était-tu... J'ai vécu dans d'autres temps. 900 ans, une derrière l'autre, une vie ou un an? Dans oui. Différentes vies. Dans différentes vies du corps, de corps physique, mais dans une seule vie au niveau de ma conscience. Mais là, ta conscience, elle s'est incarnée. Tu peux cumuler donc plus que 900 ans de conscience, de vie de conscience. Parce que là, avant, ta conscience est incarnée après des mémoires réincarnationnelles. Non. Non, la question est intéressante. La question, étant donné que l'être humain ne comprend pas ce que c'est que le processus de l'espace-temps, il en arrive à élaborer des théories, des concepts ésotériques, philosophiques, théologiques, scientifiques, etc., qui sont un petit peu faux. Tu peux naître, il y a de cela 3 milliards d'années, vivre 850 ans, ne jamais te désincarner, donc finalement ne jamais quitter la chair, et arriver en 1992. Et t'en souvenir? L'incarnation ne se souvient pas. Lui et toi, vous êtes tous vos ancêtres, sauf que tu ne t'en souviens pas. Tu es tes ancêtres par ton corps physique, tu es tes ancêtres par l'expérience de vie que tu as là, par l'écœurement qui t'habite. Est-ce que tu as le goût encore des guerres? Non. Tu n'as trop vécu de guerre. Donc, tu n'as pas besoin de te rappeler que tu étais à cheval ou que tu étais poursuivi par une gang d'animaux humains qui étaient eux à cheval. Tu n'as pas besoin de te rappeler ces expériences-là. Tu es de toute façon ton passé et aussi tu es une partie de ton avenir. Alors, l'être humain qui recherche le voyage astral, on dit le trip, quand on ne parle pas français, bon, le trip de la réincarnation, c'est l'être humain qui recherche de la mémoire pour être capable d'instruire son ego. Oui, c'est vrai, j'ai vécu à telle époque. Mais on peut facilement aller chercher des mémoires de telle ou telle époque, parce que tout le passé au complet existe actuellement dans notre présent. Mais il y a des passés maintenant qui nous vibrent plus que d'autres. Non. Il y a des mémoires qui nous vibrent plus que d'autres. Ah, qui est relié à ces passés-là. Bon, relié à ce que tu appelles le passé. Pourquoi? Parce que... Mais pourquoi tu dis à ce que j'appelle le passé? Parce que le passé existe dans le présent. Il n'y a pas de passé. C'est-à-dire que ça se passe tout en même temps. Oui. Passé, présent, futur, c'est tout en même temps. Oui. Pour la conscience. C'est pour la réalité. C'est réel. Ouais, mais c'est pas comme ça qu'on le vit tous les jours. Hein? Non, mais c'est autre chose. C'est pour ça que je te dis que c'est... Donc, la conscience, c'est ce qui est réel. Et le reste qui vit tous les jours... Le reste est réel, mais c'est pas fiable. Oui, je comprends. Là, parce que c'est une distorsion. Mais quand tu vois un mirage dans le désert, c'est le mirage est totalement réel. Tu n'iras pas dormir à l'hôtel que tu vois là, par exemple. Mm-hmm. Tu vas voir qu'ils n'ont pas passé le balai depuis longtemps, il y a pas mal de sable. Mais le mirage est réel. Le mirage, tu le vois, il est réel. Mais ce n'est pas fiable. Donc, les mémoires qu'on vibre, qu'on a pu avoir, qu'on a pu être ou qu'on a pu... ou qui vivent présentement chez nous, on a pu avoir un contact avec ça ou pas, puis ça n'a pas vraiment d'importance. Je vais vous expliquer ce que c'est que la réincarnation. Ah, oui, donc. Bon, on va simplifier. C'est simple. Il faut laisser ça simple, sauf que souvent, quand c'est simple, les gens ne comprennent pas parce que c'est pas assez simple, pas assez compliqué. Bon, alors il y a toi. Je te prends comme exemple. C'est un exemple type. Je me sentirais pas visé, c'est pas grave. L'homme des cavernes à l'homme des tavernes. Alors, tu pars donc, au niveau de ta conscience, tu te ramasses dans un australopithèque. Tu fais ouga ouga quelques années. Par la suite, l'australopithèque meurt, et instantanément à toi, tu peux te réincarner à travers les lignées génétiques, donc à travers les enfants, des enfants, des enfants, des enfants de ces australopithèques-là. Tu peux te réincarner immédiatement 200 ans plus tard. OK? Immédiatement, 200 ans plus tard. Mm-hmm. Et là, ce qui va arriver, c'est de te ramasser dans la même dose. Là, tu t'en vas comme ça. Paf, paf, paf, paf, paf, jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ce qui arrive, c'est que chaque fois que tu vas sauter, donc, d'un corps physique ou d'une forme génétique, mais en réalité, tu te fonds à travers la génétique, puis tu te réveilles 200 ans plus tard, puis tu peux te rappeler avoir vécu là 200 ans. Mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'expérience de ton passage dans la matière laisse de la mémoire. Cette mémoire-là, elle est laissée au niveau du monde de la mort, le ciel, hein, l'endroit où vont les âmes, donc où vont les corps de mémoire à la dissolution du corps de chair. Et toi, tu peux, à un moment donné, à cause de, ou grâce au fait que tes cellules sont génétiquement descendantes de cet australopithèque de 200 ans, Ben, tu peux te rappeler vibratoirement, tu peux avoir des correspondances vibratoires par ton corps astral, par un paquet de liens, des canaux réincarnationnels, avec les mémoires de ce temps-là. Les mémoires sont toujours présentes aujourd'hui, mais tu vas vibrer avec ces mémoires-là. Autrement dit, il y a des cellules ou des mémoires chez toi, des mémoires physiques, qui se rappellent de certaines choses. Par exemple, il y a une odeur particulière que ton corps ressent, et ça réveille chez toi des mémoires de 200 ans. C'est comme des gènes récessifs, puis tout d'un coup, ils deviennent dominants. Wow. Si on veut compliquer un peu. Non, bon, non mais c'est bien dit, hein? ça paraît bien dans une discussion. Non. C'est. C'est pas ça? Bon, oui, c'est ça. Donc, ce qui arrive, c'est que les mémoires, les événements, les situations, les noms, les visages, parce que génétiquement, on se transforme, mais de temps en temps, on a un enfant qui ne ressemble pas à son père, ni à sa mère, ni à son grand-père, mais à l'arrière-grand-père. Et lentement, évidemment, ça s'améliore, apparemment. Bon, ils disent ça. Hein? Tu deviens plus beau. Pas dans quelques milliers d'années, les enfants. En tout cas. Donc, ce qui arrive à travers le on temps... On parle de la conscience toujours, là. C'est... Non, ta conscience est belle. OK, c'est correct. Ta conscience est belle. Ah. Au moins. C'est ça. Mais c'est vrai. Alors, ce qui arrive donc, c'est que l'être humain, à un moment donné, on se retrouve quelques millions d'années plus tard, en 1992, et de temps en temps, les mémoires qui nous habitent, toute l'expérience qui nous constitue, va vibrer à des expériences planétaires qui se repassent encore, parce que l'histoire enseigne qu'on n'apprend rien d'histoire, donc ça se répète sans arrêt. Alors, à un moment donné, on va vibrer à certaines choses. Pourquoi? Parce qu'on est habité au niveau des mémoires, de mécaniques qui ont vécu ces événements-là. Et non pas qui ont vécu dans le passé, mais qui ont vécu ces événements-là, que l'histoire humaine place dans le passé. Puis pourquoi ça revient tout d'un coup? Bon, ça revient tout d'un coup. Une senteur, une image... Premièrement, il faut absolument que tu aies un contexte de vie pour faire en sorte, pour réveiller chez toi des mémoires. Deuxièmement, il faut... Un contexte de vie, ça peut être de publicité, ça peut être de lecture, ça peut être la rencontre avec quelqu'un, ça peut être une guerre, un événement, bon, un contexte de vie. S'il n'y a pas de contexte de vie, il doit y avoir un contexte de conscientisation pour rappeler à toi ton expérience, c'est-à-dire que si ce n'est pas la vie, ben, l'entité ou l'intelligence, toi, dans l'absolu, qui habite le corps présentement, est rendue à une maturité telle que tu es capable d'entretenir un contact plus ou moins permanent avec les corps inférieurs, donc l'être humain, sans détruire l'être humain, sans le rendre fou, puis sans le rendre totalement nuageux. C'est-à-dire que tu es capable d'entrer en contact avec ton âme, avec ton mental, avec ton corps vital, ton corps de chair, sans le rendre malade, sans le détruire, sans le faire capoter. Si tu es capable d'entretenir un contact plus ou moins permanent, toi, l'intelligence, avec le corps planétaire, ce qui va arriver, c'est qu'automatiquement, tu vas attirer les mémoires de toutes les personnalités intéressantes, puissantes, énergisées, des événements qui sont associés à ta génétique, on va dire qu'ils ont été vécus dans le passé, et tu vas ramener ça. Comment on fait pour en arriver à ça? Non, on ne fait rien. Comme toi, tu as, à un moment donné, ramené les mémoires de François, celui qui vivait à Assise. Bon. Tu as amené ces mémoires-là, pourquoi? Parce que tu étais un gars qui était biologiquement, génétiquement et au niveau de la conscience ainsi qu'au niveau de la qualité de l'âme, totalement en affinité avec les mémoires d'un gars comme ça. Donc, tu as attiré ça. Ces mémoires-là viennent te chercher. Tu peux dire « je réincarne François d'Assise », tu peux dire « ça que je me fais posséder par François d'Assise », tu peux te rendre compte que tu es en train de t'asseoir, tu peux vivre des choses. À un moment donné, tu vas voir un film comme « François et les chemins du soleil », par exemple, et ce film-là va te marquer parce que tu te reconnais là-dedans ou tu reconnais une saveur. L'être humain ne doit pas se prendre pour une réincarnation ou un phénomène du passé. L'être humain doit digérer ces choses-là. Autrement dit, parce que la majorité des mémoires sont des mémoires rotatives, c'est-à-dire que François, par exemple, peut descendre ici chez notre ami, et après un an, après deux ans, il absorbe ce qu'il a absorbé, puis subitement, c'est une femme ou un homme, souvent le serviteur du même sexe, qui va avoir l'impression d'être François. Et c'est ce qui va faire en sorte que plusieurs personnes peuvent réincarner la même entité. Donc, on peut avoir tous ici été Napoléon et Joséphine. Bon, devinez qui était Joséphine, puis devinez qui était Napoléon. Bon, on peut tous avoir incarné ces personnages-là, donc on peut les avoir réincarnés. qu'il faut comprendre, c'est qu'on peut digérer l'information, donc s'en servir comme expérience. Ça, c'est l'apanage de l'être intelligent. Autrement dit, tu réincarnes un roi, une reine, un prince, une princesse, un duc, une duchesse, etc. Et subitement, tu deviens plus aristocrate. Mais tu ne te prends pas pour un roi. Alors, on devient plus aristocrate. Il y a un certain... Il n'y a pas de comment. Quand j'ai posé ma question tantôt, comment c'est comme c'est ça? Comme ça. C'est que c'est la conscience qui fait toute la différence. Alors, j'ai pas de, c'est comment la conscience. J'ai pas de mots pour remplacer le comment, mais pour digérer, si je mange, mon estomac va digérer tout seul. Mais là, il y a un processus de conscience qui fait que la mémoire va être digérée, je vais garder une saveur de ça, une énergie de ça. C'est quoi? Comment ça fonctionne? Bon, ta question est intéressante, mais juste avant, il faudrait peut-être qu'on va faire un petit résumé là, du processus mécanique des réincarnations de la mémoire. Ben, j'ai une question. OK, j'ai une réponse. Quand tu parles d'événements, de contexte de vie, ça va réveiller telle réincarnation, ça va attirer telle réincarnation, tu vas te rappeler plutôt. Bon, mais c'est ça, est-ce que c'est par association d'événements semblable qui fait en sorte que là, tu t'en rappelles. Oui. Un événement semblable en 92 te rappelle un autre événement semblable 50 en ans. En 92, ou 50... mais en 1700. Bon, parce que tu dis c'était en même temps, toi, là. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu veux dire en 80... OK, en 1792. Ah, okay. Mm-hmm. Pas nécessairement. Non, en 1791. Bon. OK, alors, pour revenir à propos de ce que François disait, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui peut être fait pour attirer quelque chose, si c'est par association d'événements. Oui, exactement. Si... C'est pourquoi je veux juste parler, donc je vais donc revenir. Tu poses la question, okay. Tu as posé la question. Voilà, c'est bien. On va juste faire un petit résumé des choses qu'on doit savoir sur la réincarnation. Pendant longtemps, les théologies savaient que l'être humain se réincarnait. Alors, on avait le culte des ancêtres, et puis on espérait à un moment donné que le grand prêtre, la grande prêtresse, etc., se réincarne dans un enfant. Puis là, c'est un enfant qui reconnaissait les choses d'un ancêtre à travers les affaires mélangées de ceux qui sont morts. On finissait par lui redonner le même nom. Et c'est de là qu'est apparue la tradition de donner le nom d'un disparu à un enfant. Pourquoi? Parce qu'on s'attendait à ce que le nom attire le disparu ou que l'enfant le soit, donc on le rappelait comme ça parce qu'on le reconnaissait comme étant ça. Maintenant, ce qui est arrivé, évidemment, c'est que l'être humain s'est multiplié. Alors, c'est sûr que quand il y en a un qui meurt, puis il y en a 25 qui viennent au monde, ça complique un peu les choses. Donc, on se ramasse avec un paquet de Daniel, un paquet de Michel, un paquet de François, puis un paquet d'Annie, etc. Bon, maintenant, les personnalités qui se réincarnent diluées là-dedans. Maintenant, c'est l'expérience traditionnelle de la religion ou du clan, de la tribu, du village ou de la société qui va compenser le manque à gagner au niveau réincarnatif, c'est-à-dire que l'enfant devra être éduqué. L'enfant est relativement vide à l'époque et on va le remplir. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de morts qu'il y a de vivants. Donc, l'enfant qui vient au monde est un adulte déjà, il est déjà plein. C'est évident qu'il devra... Mais quand tu dis de remplir ou plein de quoi? À l'époque, il fallait pas remplir, c'est-à-dire qu'un enfant était plus ou moins un abruti. Et ça, l'humain, les adultes, ça s'en était rendu compte. Donc, il fallait l'élever. Remplir de connaissances. Ben, le remplir de connaissances, le remplir de manière de vivre, le remplir de politesse, le remplir de quelque chose. Parce que l'enfant ne faisait rien. L'enfant n'était pas capable de s'émanciper de par lui-même. Ça fait évidemment très longtemps que l'enfant est capable de le faire, mais la tradition a fait en sorte que l'adulte a continué à l'empêcher de le faire. On continue à le remplir, c'est-à-dire maintenant on veut vider ce qui est dedans pour le remettre. Bon, parce qu'on ne s'est pas encore rendu compte. Ben, y en a qui s'en sont rendus compte, évidemment. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à travers ces phénomènes-là, l'être humain se réincarnait. Ce qui arrive, c'est que par la suite, on va, et tous les peuples savent que ça se réincarne. Hein, même les animaux. Il y a des traditions complètes au niveau des réincarnations des animaux. Ton chien est mort, tu l'enterres, etc. À un moment donné, tu t'en vas jusqu'à temps que tu retrouves ton chien dans un chiot, puis c'est lui. Puis tu vas voir qu'à un moment donné, il va recommencer à avoir les mêmes manies que ton ancien chien. Bon. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'à un moment donné, à partir de, par exemple, de Vatican II, on va interdire l'enseignement dans l'Église catholique de la réincarnation pour un paquet de problèmes. C'est commencé au Concile de Vatican I, c'est terminé au Concile de Vatican II. Et la réincarnation, même dans la Bible, on en parle partout. Bon. On en a plein d'exemples. Je vais vous sauter ces exemples-là. Ce qui arrive, c'est que les hindous sont ceux qui vont maintenir le plus, d'une façon pratique, avec le bouddhisme chinois, puis quelques autres, exceptions au niveau des ethnies, vont conserver l'idée de la réincarnation, Et eux vont finir par vivre un drame majeur au niveau de l'inconscience, donc au niveau de l'évolution, parce que l'évolution, ce n'est pas de la conscience. L'évolution, c'est de l'expérience à travers la souffrance, à travers la vie. Donc, à travers l'évolution, à travers l'inconscience, ces peuples-là vont finir par toujours remettre à demain, c'est-à-dire à une prochaine vie, leur émancipation et leur salut, et vont bénéficier de la matrice planétaire au maximum, ce qui fait en sorte que leur vie, finalement, ne mène nulle part et ne sert à rien. D'où le fait que ces pays-là vont devenir des pays plus ou moins destructibles, sinon détruits, à travers le temps. Alors que, comme l'Inde, c'est la première souche de la race mère blanche qui est apparue là, la race aryenne. Mais ça ne servait à rien. Bon. Alors, ce qu'il faut comprendre, donc, c'est qu'à travers le temps, à travers l'évolution humaine, l'humain finit par retrouver des philosophies de réincarnation. Et là, on va essayer d'expliquer des mécaniques. L'être humain qui venait au monde handicapé, si Dieu est parfait et que Dieu est juste et égal envers tout le monde, ben pourquoi un enfant n'est-il handicapé? Alors on va dire, c'est parce qu'il réincarne, il se réincarne, et il a le karma, c'est-à-dire le karma aussi on en parle dans la Bible, celui qui tue par l'épée périra par l'épée, etc., c'est du karma. Mais le karma est toujours incrémenté, c'est-à-dire que si tu fais un vol, on te donne 7 coups de fouet, puis si tu recommences, on t'en donnera 77. Bon, puis si tu recommences encore, ben s'imagine ce qui va se passer. Bon, à un moment donné, on va fouetter par en arrière, puis on voit les traces apparaître en avant. Alors, ce qui arrive donc, c'est que c'est effectivement le karma est un problème au niveau de l'humain. Et les religions vont se servir de la culpabilité du karma pour arriver à manipuler l'humain. Ce qu'on doit comprendre donc, c'est qu'à un moment donné, on va expliquer que l'enfant vient au monde handicapé parce qu'il paye un karma des vies antérieures, et maintenant, il doit donc faire souffrir, etc. Dans la conscience réelle, l'enfant ne souffre pas de son handicap, c'est les parents qui vont souffrir. Donc, si c'est l'enfant qui doit payer, pourquoi les parents payent-ils? Puis, il y a tout à fait quelque chose comme ça. Si les parents souffrent de la réincarnation handicapée de leur enfant, ça veut dire que les parents, selon la théorie du karma et de la réincarnation, auraient donc fait quelque chose de mal, qu'ils payent présentement en ayant un fils handicapé, qui lui a dû faire quelque chose de mal. Et finalement, on a associé tout ça au complet pour que ça se ramasse dans la même famille. Oui, mais c'est pas dur à croire. Il y en a tellement peu qui font le bien. Tu sais. Bon, évidemment, pour un policier, il est dans le feu de l'action autour. Oui, c'est sûr que l'humain, il ne fait pas. L'humain. Non, mais c'est parce que cette mécanique-là, cette théorie-là, est pas facile à abattre. Non, elle n'est pas facile à abattre. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, on va l'abattre facilement. Puis c'est un exemple que je donne souvent en séminaire. Quand on couvre un peu le phénomène, c'est que toi, tu te promènes dans la rue en 1318, tu vois quelqu'un, tu sors ton épée, il tranche la tête pour le fun. Bon, vu que tu as tué quelqu'un, dans ta vie future, quelqu'un va arriver puis quelqu'un va devoir te tuer. Mais vu que lui t'a tué, il va falloir qu'il paye pour. Fait que dans sa vie future, quelqu'un va devoir le tuer. Mais lui, il va falloir qu'il paye pour. Puis là, on va se ramasser parce que tout le monde va en passer, donc il va falloir que toi, tu recommences à tuer quelqu'un parce que finalement, il a tué quelqu'un dans une autre vie. Bref, tu as payé un karma uniquement parce que, bon, elle a tué quelqu'un, ça faut bien que je la tue parce qu'il faut qu'elle purge son karma. Mais si je la tue, c'est moi qui me ramasse avec le karma. Ça va falloir que lui vienne me tuer parce que, bon, et s'il me tue, lui se ramasse avec le karma. Mais là, on fait une roue comme ça. Non, mais c'est pas ça qui se passe, c'est ça qui se passe. Non, c'est pas ça qui se passe. Non, mais c'est peut-être le karma de se ramasser avec du karma. C'est ton karma d'en avoir. Oui, mais ça commence bien. Et la grosse question, la fondamentale, c'est que si au départ tout le monde est beau et pur, si je tue le premier, ben il est mort pourquoi? Lui, il paye quoi? Tout est pur. Il paye quoi? Ah, ben, c'est toi qui as payé. Ouais, mais lui, paye quoi? On va le renvoyer au fin fond de la ligne pour venir tuer l'autre là-bas pour pouvoir se venger. Ça va expliquer pourquoi je l'ai tué au début. Non, ça ne fonctionne pas. L'autre chose qui est intéressante au niveau du karma, c'est que vous avez fait une connerie dans votre vie antérieure et on doit vous couper les deux jambes. Alors, on vous envoie vous asseoir sur un banc d'autobus. Vous attendez l'autobus. Là, on va saouler un gars au maximum là-bas pour qu'il prenne son automobile, puis qu'il s'en vienne, puis qu'il monte sur le trottoir, puis qu'il vienne nous arracher deux jambes. Vous n'êtes pas suffisamment important pour la vie, pour que la nature et la vie et Dieu s'occupent d'aller saouler la gueule d'un gars, pour qu'il prenne son automobile et qu'il vienne vous couper deux jambes. Bon, alors, la mécanique karmique, c'est pas ça. La réincarnation ne se passe même pas comme ça. L'enfant qui vient au monde handicapé, lui, subit le poids du karma collectif. Donc, c'est une mécanique sociale collective, ça n'a rien à voir avec ses vies antérieures. Puis le fait que tu aies un nez placé là ou que tu aies ceci, cela, n'a rien à voir non plus avec les vies antérieures. Le gros de la réincarnation se fait comme ceci. Les parents vont premièrement se réincarner un peu dans leur enfant. Hein? C'est ce qui va se passer. L'enfant vient au monde. L'enfant, en venant naissant, va attirer des mémoires réincarnationnelles en fonction de sa génétique. Autrement dit, on ne peut pas mettre un morceau de casse-tête dans un trou où il ne rentre pas. Et c'est ce qui arrive. La théorie, à cause, parce que l'homme pense qu'il a un libre arbitre et que c'est lui qui dirige sa vie et son évolution, alors que l'homme est totalement dirigé, mais totalement dirigé, c'est d'ailleurs pourquoi il pense que c'est lui qui dirige, on le dirige à penser ça. L'être humain pense que dans le monde de la mort, il s'assoit, il relaxe un bout de temps, il fume un peu sa pipe. Et puis, à un moment donné, ben là, il choisit sa prochaine vie, ses prochaines embûches, etc. Puis, ça réincarne là-dedans. Puis après ça, il va passer sa vie à chioler qu'il a mal choisi. Bon, ça ne fonctionne pas. Ce qui arrive simplement, c'est qu'en fonction du corps de chair qui est venu au monde, ce corps-là attire des mémoires réincarnationnelles. Et les mémoires réincarnationnelles ne sont pas votre conscience, ce n'est pas vous. C'est le drame de l'humain, c'est qu'il s'identifie à ses maudites mémoires. Qui es-tu? Moi, je suis un médecin. Enfin, je suis un médecin, c'est un bidule, c'est un diplôme, c'est un métier. C'est pas un humain. Mais c'est des actions. Oui. Les mémoires, c'est des gestes qui ont été posés. Et c'est des actions, mais toi, tu ne peux pas être une mémoire. Alors, ce qui arrive simplement, donc, c'est que l'être humain, lui, reste pur dans ce qu'il est, mais votre intelligence, la conscience de l'homme, va s'exprimer en fonction du corps physique, et à travers les mémoires réincarnationnelles qui vont venir l'imbiber. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es pur à la naissance. Tu t'en viens, les mémoires ouvertes 3 ans, tu réincarnes des mémoires d'enfants de 3 ans, d'expérience. Des mémoires d'enfants peut-être qui ont été tués, qui ont été massacrés, qui ont été bien élevés. À 5 ans, tu réincarnes encore des mémoires. Tu réincarneras 24 heures sur 24 tout au long de ta vie jusqu'à la dissolution de ton corps de chair. Et tu vas réincarner à l'âge de 12 ans, tu vas te faire piller à l'adolescence. L'adolescence, c'est l'étape majeure où on devrait surveiller nos jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils sont relativement sains. Et pendant la période pubertaire, donc pendant les 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans de l'adolescence, ce sont des mémoires d'adultes sexuellement détraqués qui vont vouloir incarner les enfants parce qu'ils ont des corps extraordinairement beaux, extraordinairement jeunes, capables de sécréter hormonalement. Donc, progressivement capable d'amener dans l'astral de la jouissance sexuelle. Et on va tout faire pour ramasser ces jeunes-là, pour les envoyer là-dedans. Et comme ils sont naïfs, c'est-à-dire qu'ils sont suffisamment purs, donc pas trop colorés d'expériences dégueulasses, on pourra facilement aussi les imbiber d'alcool, de drogue ou de n'importe quoi. Et à travers l'adolescence, on va démolir le maximum de la conscience qui les habite pour qu'une fois adultes, ils n'aient plus trop de conscience, qu'ils aient de la mémoire de conscience un petit peu, et qui, dépendamment comment ils s'en sont tirés, qui se retrouvent. Mais là, ils sont pas nés avec le sexe, ils sont pas nés avec la boisson, ils sont pas nés avec l'embonpoint, ils sont rendus adultes. Bon. Et une fois adultes, ça va continuer à se réincarner, Et là, le gros problème, c'est que moi, par exemple, bon, disons, à 25 ans, mon père, ma mère, mon grand-père, surtout au niveau des mâles, mon arrière-grand-père, ma tante de pied ferme à l'âge de 25 ans, parce qu'eux ont été rejetés de leur corps. C'est-à-dire qu'à 25 ans, quand mon grand-père a eu 30 ans, bien, mon grand-père n'avait plus 25 ans. Puis les mémoires du 25 ans ne pouvaient plus vivre chez lui. Alors, eux autres attendent patiemment que quelqu'un dans la famille, puis ils vont s'arranger pour qu'on donne une leçon long, que quelqu'un dans la famille ait 25 ans, un garçon, pour sauter dedans. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'à travers le temps, ça va réveiller des pathologies. Ton père était cardiaque à 40 ans. Pourquoi tu n'es pas cardiaque à 12 ans? T'as ce qu'il faut pour être cardiaque, mais tu ne le seras pas tant que la mémoire ne viendra pas réveiller dans la biologie cette mécanique-là. Et à un moment donné, à 30 ans, dépendamment à quand sa mémoire va s'incarner, à 45 ans peut-être, tu as des fortes chances de gagner les habitudes de tes parents, de t'asseoir, de marcher comme tes parents, de sentir comme tes parents, d'être de plus en plus comme tes parents, et finalement d'être malade comme tes parents. Et tes enfants vont lentement se ramasser avec tes réincarnations qui ont été rejetées par le vieillissement de ton corps physique. Et ça se réincarne tout le temps. Mais là, c'est très positif. Mais dans mon cas, oui, parce que moi, ce que je réincarne dans mes enfants, c'est correct. Mais à partir de ce que tu dis là, j'ai de la misère à concevoir que l'humain évolue dans le sens de s'améliorer. Puis pourtant, c'est ce qu'on peut constater. Si on recule dans le temps, l'humain est vraiment plus confortable, il est plus intelligent. Non. Son état est meilleur que dans le passé. Non. Mais à partir de ce que tu... sur un siège en pierre, tu avais les fesses pour aller avec. C'était très confortable. Oui. Et tu sortais dehors, là, tout nu, puis il neigeait, faisait froid, là, puis tu te brossais un peu pour te refroidir un peu, tu avais chaud comme quoi, tu sais. Ah, c'était confortable. Bon. L'humain, ce qu'il se dit aujourd'hui, c'est que moi, retourner dans le passé, j'aurais des problèmes. Mais c'est pas que ça, technologiquement, il y a plus d'inventions, il y a plus d'inventions, puis ça se suicide comme ça se suicidait, puis ça se saoule la gueule, puis ça. Non, mais il y a quand même... des ennuis au maximum, comme les Romains, les Grecs, puis les Égyptiens l'ont fait. OK, psychologiquement, OK, mais du côté de l'intellect, là, c'est plus fort. Ben, c'est plus fort, oui, sauf qu'il y a eu un temps, par exemple, après la fin Renaissance, où c'était extraordinaire d'être vivre à cette époque-là au niveau de l'intellect. Il y avait Michel-Ange, il y avait Léonard de Vinci, il y avait un paquet de savants. Non, mais il n'y avait pas d'auto, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas besoin d'auto non plus. Il aurait été où en auto? Ben, il se serait promené, il aurait fait comme nous autres. Il n'y avait pas de route. Ben oui, il aurait pris l'avion, il aurait pu se promener. Puis, ouais. Aujourd'hui, on prend l'avion. Moi, je prends l'avion, je m'en vais jusqu'au Pérou, à l'Équateur, l'autre bord de l'Équateur, puis je me dis que. Franchement, c'est 10h30 pour y aller. Où-tu être, hein? C'est ça. Je chiale autant que les Grecs chialaient quand ils étaient dans leurs trois chevaux, là, puissantes trois chevaux, avec un gars pour les fouetter. Ben oui, mais, mais c'était plus lent quand même, en trois chevaux qu'en avion. Qui n'était pas plus pressé? Non, je comprends au niveau psychologique que c'est pas mieux. Là, aucun changement. Ben c'est ça, là. Mais pourtant, on regarde la vie et c'est différent. Qu'est-ce que. Je te montre. Il y en a un! Je m'en vais là, ben oui, donc on va reprendre 15 ans. Non, mais en plus vieux. Ben oui. Non, mais c'est quand même... longtemps. Non, mais c'est ça, je parle d'illusions, d'illusions, hein. Non, pensez pas que c'était plus confortable dans le passé. Non, mais à partir de ce que tu viens de dire, là... Mourir du sida ou mourir du cancer. Non, ce qu'on cherche à dire, c'est qu'on est plus confortable maintenant, même si... Non, ce qu'il faudrait que tu dises, c'est que tu serais moins confortable maintenant si tu vivais ailleurs, dans un autre temps. Parce que là, je me suis habitué à un certain confort. En tout cas, technologique, physique, c'est sûr que c'est pas ce que c'était il y a 50 ans. Parce que nous, on rêve de penser qu'une personne qui partirait du fin fond d'un peuplade autochtone ou du passé, si on la ramènerait ici, elle serait emballée. Elle serait totalement perdue. Elle serait emballée, elle serait très perdue. Oui, dans un cercueil. Oui, c'est ça. Dans notre confort. Écoutez, le confort. Imaginez le confort qu'on a. On est confortable. On se remet dans notre automobile, on sort, puis bon. Vous passez 25 ans de votre vie dans la forêt. Pouf, c'est Montréal. Là, les autos, ça va partout d'un bord, puis de l'autre, le monde, vous êtes confortable. C'est absolument effarant comment vous êtes confortable. Non, mais soir... deux pistes sur le bord du lac, pouf, sur la rue. Non, mais ça, c'est sûr. Mais le soir, le lire, là, moi, je suis bien plus confortable maintenant que vous, 200 ans. Oui, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Okay. Est-ce que ça a changé, finalement, est-ce que ça a changé quelque chose à l'humain, la technologie? La technologie, elle n'a rien changé à l'humain. La technologie, tout ce qu'elle fait, c'est qu'elle permet d'asseoir l'humain sur une assiette d'énergie. Exactement comme la richesse. Parce que ça amène le mental, finalement. Non, ça amène l'humain à ne pas redescendre à travers son expérience. Ça confirme son ascension du point de vue de la conscientisation, ça sert uniquement à ça. La science, la technologie, la médecine, ainsi que la richesse, ne permettent à l'humain que de stabiliser son assiette énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne qui est rendue dans une forme de vibration particulière ne peut plus être pauvre. Et tant qu'elle voudra rester pauvre, tant qu'elle sera, disons, capable de supporter les manipulations qui l'amènent à être pauvre, elle souffrira. Mais la richesse ne la rendra pas heureuse. La richesse va éliminer cette souffrance-là, puis la richesse va asseoir son assiette énergétique. C'est la même chose pour la technologie, on va asseoir ton assiette énergétique. Et ça, ça a été incompris, mais appliqué à travers le temps, tout le temps. Et c'est ce qui a amené l'aristocratie, les aristocratos, ceux qui contrôlaient et qui avaient le pouvoir de l'élitisme, c'est le terme. Et on a, de cette façon, développé des sociétés comme les nôtres aujourd'hui. Bon, où on est capable de faire des conférences, par exemple, qu'il pleuve dehors ou non, qu'il fait chaud, on est climatisé, s'il fait froid, on est chauffé, on est relativement confortable. Mais ça, à l'époque, on aurait fait ça en pleine montagne, dans une grotte humide, puis on aurait été confortable. Sauf que le discours que l'on tient aujourd'hui ne peut pas être tenu dans une grotte. Donc, de ce fait, techniquement, et au niveau de la richesse de l'esthétique, les gens doivent se servir de la forme, donc se servir de la matière et de l'argent, c'est ainsi de piler là-dessus, et pour être capable d'asseoir leur assiette énergétique de façon à ne pas redescendre. Ça veut dire que ça a quand même fait un changement, ça a permis à une certaine conscience. Mais que le discours qu'on ne peut pas le tenir dans une grotte, il y a quelque chose qui a changé. Non. C'est pas le même discours qu'on tient ce soir. On est loin du sujet de la réincarnation, mais ce que vous voulez, vous autres, quand vous agissez comme des gens réincarnés? Bon. Ça n'a rien changé. C'est parce que nous faisons ça que c'est comme ça. Mais on ne fait pas ça parce que c'est comme ça. C'est comme ça parce qu'on fait ça. Mais la conscience... C'est pas parce que tu es confortable que tu deviens heureuse, c'est parce que tu deviens heureuse que tu deviens confortable. À part de l'être humain. Alors moi, je suis heureux, je suis vivant, ben je vais changer des choses pour asseoir ce que je suis. Mais je ne peux pas te dire, je vais te donner 1 million de dollars et tu vas être heureux. Ça ne fonctionne pas. Mais quand tu seras heureux, nécessairement la richesse va venir. Pour te donner la santé, pour te donner le temps. C'est le temps que l'humain a besoin. Puis l'argent te donne le temps. Je veux revenir sur quelque chose que tu as dit tantôt, que l'humain, tu parlais de l'exemple de se faire couper deux jambes, qui n'est pas assez important pour que la vie s'organise, pour que quelqu'un coupe les deux jambes. Ça veut dire qu'individuellement, on n'est pas important, c'est la masse qui n'est pas important. Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, il y a de l'intelligence qui arrive et qu'il y en a qui sont plus importants? Bon, regarde, juste au niveau réincarnationnel, il faut comprendre ceci. Les corps de chair sont ce qui détermine ce qui se réincarne. Un handicapé mental ne descend pas dans un corps physique qui a un cerveau capable de recevoir un génie. Ça ne marche pas. Donc, un handicapé mental descend dans un corps capable de recevoir un handicapé mental au maximum de ses capacités, puis l'handicapé mental ne souffrera pas. Mais parce que l'être humain se projette dans l'handicapé mental, ils vont tout faire pour que l'handicapé mental souffre. Ils vont tout faire pour lui expliquer, pour lui faire comprendre que c'est un handicapé mental. J'ai déjà dit que nous autres, on devrait tous avoir trois bras. On en a juste deux, tous handicapés. Bon, mais vu qu'on ne sait pas, on en souffre pas. On souffre pas. Mais si tout le monde aurait trois bras, un dans le dos, là, pour se gratter, puis que tout le monde n'en a pas, bien, là, disons qu'il y a 300-400 personnes qui n'en ont pas, ils se sentiraient tous bien mal à l'aise. C'est avec leur chandail lisse en arrière, là, tu sais, que tout le monde voit qu'ils sont handicapés, tu sais, qu'ils mettraient une postiche avec un bras en arrière. Ben, on serait tous mal à l'aise. L'être humain a donc son corps de chair, attire les réincarnations. De ce fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'onde de forme, c'est-à-dire l'esthétisme, les gens appellent ça le look, là, mais ce n'est pas tout à fait le look. Le look, c'est le terme anglais. L'esthétisme, l'onde de forme, l'allure des individus, l'allure physique, l'allure vestimentaire, l'allure événementielle, la démarche, la parole, la gestuelle, l'allure amique, c'est-à-dire ta capacité à crier, à te choquer ou à t'impatienter ou à être calme, ainsi que ta conscience, c'est ce qui va faire en sorte qu'au long de ta vie, tu vas attirer des réincarnations sélectives. Tout à l'heure, il disait que mon estomac digère, puis ça va bien, je sais pas, bon. Mais si tu manges n'importe quoi, ça ne digérera pas n'importe quoi ton estomac. Puis l'être humain, s'il réincarne n'importe quoi, il ne peut pas digérer n'importe quoi. Alors, il y a des personnes, à un moment donné, qui vont devenir, qui étaient très, très, très sensées, très stables, et puis à un moment donné, ben, ils ont besoin de, ils font une dépression nerveuse, ils deviennent paranoïaques, schizophrènes, ils deviennent psychosés, ils ont besoin de traitement. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas capables de digérer ce qui arrive. Autant qu'un événement. Un événement, il faut le digérer. Mais pourquoi ça arrive s'ils ne sont pas capables de le supporter? Parce qu'il n'y a personne qui s'occupe de te faire plaisir dans la vie. Non, même au contraire, là, selon ce que tu dis, il y a toute une organisation pour détruire l'humain. Mais c'est même pas selon ce que je dis, selon ce que tu regardes. Regarde sur la planète. Ça continue à se péter la gueule sans arrêt. Ça continue à vouloir se séparer, ça continue à vouloir se tuer. Ça se viole, ça s'assassine, ça se vole. C'est pas moi qui le dis. Moi, je constate que l'humain est totalement orchestré pour s'anéantir. Exemple, vous êtes heureux, heureuse, qu'est-ce que vous allez faire? Elle est fumée, elle est vous tuer. Elle est mariée du sucre, elle est vous tuer. Vous allez boire, elle est vous tuer. Bon, on veut s'amuser, les gens, ils prennent de l'alcool, ils se saoulent la gueule, ils se détruisent. T'es malheureux, tu vas manger une barre masse, tu manges un peu de sucre, tu bouffes un peu plus, tu te détruis. Bon, l'humain est organisé pour s'auto-détruire. L'humain sait ce qui est bon pour sa santé. Qu'est-ce qui est bon au goût? Hein? On vous a donné un goût pour apprécier quoi dans les aliments? Ce qui tuait. C'est simple. Hein? On prend des confitures avec plus rien dedans, puis plein de produits chimiques, puis Christy qui sont bonnes. Et prends-en là, des natures pas cuites, puis ci, puis ça, puis à un moment donné, tu te demandes, le pain blanc, c'est-tu bon? Le pain brun, ça goûte, là, tu sais? Là, on met des produits qu'on s'arrange. C'est sûr qu'on doit se refaire le goût. Mais pourquoi on aime tant le sucre? C'est génial, le sucre. C'est extraordinaire. On aime ça. Puis ça fait un paquet de problèmes. Bon. Alors, l'humain est bâti pour ça. Je constate simplement que l'humain, les véhicules humains, ainsi que sa conscience, c'est bâti pour s'orienter. Du moment qu'il y a la paix quelque part, ça va se péter à la face. Mais bon, est-ce qu'il y a une façon de faire en sorte d'éviter ces réincarnations problématiques-là ou qui causent des problèmes, en tout cas? Oui. Comment faire pour finalement attirer quelque chose? Est-ce qu'on peut attirer quelque chose? Puis comment faire pour le faire? Le meilleur chemin, le grand chemin pour que l'être humain parvienne à se libérer des manipulations, autrement dit, pour que vous cessiez de faire ce que vous ne voulez pas faire. Pour qu'il cesse de vous arriver ce que vous ne voulez pas qu'il vous arrive, c'est d'altérer notre façon de recevoir des réincarnations, autrement dit, de manger mieux du point de vue de l'âme. Quand une personne sait, tiens-toi pas avec lui ou avec elle parce que c'est une mauvaise influence pour toi. Mais une influence, c'est ça. C'est qu'on se réincarne aussi par imprégnation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à mon contact, tu deviens un peu plus comme je suis. Donc, te tenant avec quelqu'un d'autre, si ton périsprit astral, si l'enveloppe de ton âme est plus mince, autrement dit, si t'es pas assez épais, tu vas être influencé par l'astral de l'autre qui est plus épais. Et lui, il ne se fera pas influencer par la tienne. Par contre, son rayonnement astral, si il réincarne, va être capable de venir te faire vibrer à son rythme. Oui, mais là, il y a un problème. Je peux avoir des bonnes... L'humain peut avoir des bonnes intentions, c'est-à-dire il veut s'aligner pour être dans quelque chose de correct, mais il y a quelque chose qui vient, qui s'incarne, ou qui se réincarne oui. plutôt, puis qui fait faire, il se tient avec les mauvaises personnes, qui fait des mauvaises actions finalement, qui fait en sorte qu'il continue à réincarner du négatif. Et, ben oui. Prenons quelqu'un qui se drogue, qui veut cesser de se droguer, il faut qu'il coupe avec tous ses amis, il faut qu'il déménage. Faut qu'il coupe avec son milieu. Ils sont pas capables. C'est ça, c'est évident qu'on va tout faire pour le ramasser là. Mais s'il coupe pas, il s'en sortira pas. Non, mais comment? Il peut pas couper. Il y a quelque chose qui vient pour l'empêcher de couper. C'est ça, il va être capable de couper s'il est instruit des mécaniques. Ça, c'est extrêmement important d'être instruit des mécaniques. Qu'on soit jeune ou qu'on soit moyennement âgé ou qu'on considère très âgé, il faut être instruit des mécaniques au niveau de la réincarnation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain a la capacité présentement de s'alimenter convenablement au niveau réincarnationnel. Ça veut dire qu'il a, la capacité de sélectionner son alimentation. Il a un pouvoir discrétionnaire sur ce qui va rentrer ou pas. Et pourquoi il a le pouvoir discrétionnaire? C'est parce qu'il est capable d'être programmé. On appelle cela être instruit. Autrement dit, si on donne à l'humain, si on explique à l'humain les mécaniques, il n'y a pas un humain sur la planète Terre qui veut souffrir. Donc, l'humain veut vivre en paix, il veut être heureux, puis il veut le meilleur pour ses enfants. C'est ce que l'humain veut. Que tu sois un Pakistanais, un Anglais, un Québécois, ils veulent tous la même chose. Ils se pètent la gueule sans arrêt pour l'avoir. Évidemment, ils vont à l'inverse de ce qu'ils veulent avoir. Mais c'est ce que l'humain veut. Donc, l'humain est instruisable des mécaniques qui l'obligent à être malheureux et à vivre tout croche, à travers le processus de la réincarnation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, un, votre réincarnation... C'est pas quelque chose d'absolu, qui est rigide, qui est fixe, qui ne changera pas. Et c'est pourquoi vous avez des sautes d'humeur, c'est pourquoi à travers votre expérience planétaire, vous changez radicalement à un moment donné de chemin. C'est parce que ça se réincarne sans arrêt. Bon. Et parce que ça se réincarne sans arrêt, l'humain va se faire manipuler, imbiber par ces réincarnations-là. Il aimait ça, il n'aime plus ça, il n'aimait pas voyager, il aime voyager, bon, il change. Ce que l'humain doit faire, c'est s'arranger pour maintenir... Au niveau de sa vie, au niveau de son corps de chair, donc apprendre les mécaniques et se les rappeler de temps en temps. Donc, par la pratique de ces choses-là, tu finis par altérer ce qui va se réincarner. Un, se tenir en vibration, donc se tenir avec les individus qui sont le plus en affinité avec ce qu'on veut être. Dans l'Antiquité, on appelait ça se chercher une idole. Oui, sauf que si on finit par en faire une religion, l'idole, on ne l'a pas. Parce que là, on ne vit pas notre vie, on vit sa vie. Et moi, si je regarde, par exemple, quand j'étais jeune, moi, je vibrais Bob Moran. Ce que je n'aimais pas de lui, c'est qu'il était toujours en train de courir après les filles. Puis j'ai décodé vers l'âge de 12 ans, c'était probablement le prototype de l'animal humain français le plus esthétique pour les jeunes Français. Bon, celui qui trouve la défense des jeunes filles, des jeunes veuves, etc. Bon, et qui tombe en amour avec, que lui ne couche pas avec, etc. Bon, il y a du chevalier. Avec un armure, c'est dur de coucher avec une fille. Vous comprenez? Alors, il y a donc du chevalier. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce héros-là a fait en sorte que, progressivement, moi, je ne me suis pas identifié à lui. J'ai voulu que lui rentre chez moi. Donc, j'ai lentement eu le goût de voyager. J'ai lentement eu le goût de faire un paquet de choses. Et finalement, j'ai voyagé. J'ai été dans des jungles, j'ai été dans d'autres pays. J'ai eu des aventures absolument bon. Et pourquoi? Parce que j'ai vibré quelque chose. Et là, à un moment donné, c'était Tintin. Pas Haddock, mais Tintin. Et puis, à un autre moment donné, ça a été d'autres héros comme ça, d'autres personnages qui m'amenaient à quelque chose, en tant que jeune, en tant qu'enfant. Bon, James Bond, ça a été assez rapide. Bon, pourquoi? Parce qu'il faisait du bien, parce qu'il vivait partout, il voyageait, donc c'était une copie de Bob Moran, mais en plus esthétique, en plus confortable. Hein? Bon, ce qu'il faut, on doit comprendre, donc, c'est qu'on va rechercher progressivement le phénomène de l'idole. Mais moi, en tant qu'être humain actuellement, de temps en temps, je vais regarder les femmes, puis je vais vouloir avoir ce qu'ils ont. De temps en temps, je vais regarder des hommes, puis je vais vouloir avoir ce qu'ils ont. Je vais regarder des enfants, puis je vais vouloir avoir ce qu'ils ont. Pas en jalousie, pas en envie. Bon, je regarde la pureté chez quelqu'un, puis je me dis, c'est exactement ça. Cette pureté-là, là, c'est exactement ça. C'est ça qu'il faut que s'exprime chez moi, parce que c'est ça que je suis. Sauf que les mécaniques astrales que j'ai réincarnées, empêche, colore cette expression-là, Donc, en regardant la partie chez quelqu'un qui exprime cette pureté-là, c'est cette vibration astrale-là qui le permet. Puis moi, je vais regarder cette personne-là, puis je vais l'aimer. Je vais trouver que c'est correct. Puis progressivement, je n'essaye pas de la copier. Progressivement, à force d'apprécier ce qu'elle est, je finis par devenir un peu plus comme elle. Je reste moi, mais je reflète quelque chose d'intéressant. Mais donc, t'arrives-tu à couper ce qui t'empêche d'être comme cette personne-là? Oui, parce que progressivement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les mécaniques réincarnationnelles viennent en fonction de ce qui est sur la planète. Autrement dit, vous vous habillez différemment. Bien, nécessairement, vous allez commencer à tirer d'autres formes de réincarnation. Puis c'est important. Et c'est pourquoi vous pensez que la jeunesse, aujourd'hui, un petit peu moins, là, mais ça fait encore un peu, mais là, 5-6 ans descendant, pourquoi les jeunes s'habillaient, notre encore un peu aujourd'hui, les jeunes aiment ça, s'habiller avec des casquettes, à l'envers, avec des pantalons un peu déchirés, hein, très, très, très usés, avec des chandails trop longs, 2-3 chandails, des souliers tout croches, des affaires de riches, là. Une paire de jeans à 150$ avec des trous tout vendus, tu sais. Tu donnes tes jeans finis, ils vont les revendre aux voisins 200$, puis toi, tu prends les siennes, puis tu sais, quelque chose de riche. Simplement parce que, là, 30, 50, 60, 70 ans, nous étions pauvres au Québec. Alors, je devais, moi, porter le linge de mon frère, ses vieilles culottes déchirées puis usées, un peu trop grandes. Je devais mettre ces maudits chandails qui me faisaient pas, mais il y avait que ça. Là, ma mère, elle me disait, je suis pas pour les raccommoder parce qu'il faut que ça te fasse longtemps. Puis comme c'était usé, il faisait froid, j'en mettais un, j'en mettais deux, j'en mettais trois. Puis la casquette, c'était le symbole du pauvre à l'époque. Bon, puis là, comme ces mémoires-là, c'est cyclique, ça se réincarne à travers la jeunesse, bien les jeunes, même s'ils sont dans un contexte plus riche, ne peuvent pas supporter psycho-réincarnationnellement ce qu'on vit aujourd'hui. Donc, ils vont se réhabiller de la même façon que ce qu'ils ont été. Et c'est pourquoi on a des modes rétro, des musiques rétro. Pourquoi? Parce que le jeune de 1930, réincarné dans celui-ci, aime encore, puis il va s'organiser pour aller chercher. Et il y a tous des processus comme ça qui sont sans arrêt. Si le jeune, à un moment donné, on lui explique, mais pas des grosses bottes de même. Pourquoi? Parce que ceux qui mettaient ça vers une certaine époque, c'était des tueurs. Bon, les chaînes, les ci, les ça, c'était encore des vestiges, c'était souvent des gens violents. Il y a des coupes de cheveux particulières qui amènent des réincarnations encore de gens violents. On le sait inconsciemment. T'sais, c'est pas parce que j'ai une coupe en mort que je suis méchant. Non. Mais il y a quelque chose de temps en temps chez toi qui me fait peur pareil. Oui, t'attire des bébés. Mais il y a quelque chose, c'est ça. On ne connaît pas la mécanique, mais on le sait. Alors, on va leur interdire parce que ça ne se fait pas, parce que si les raisons ne sont pas bonnes, donc l'enfant n'écoutera pas. Alors, ce qui fait que si on change la façon de s'habiller, si on change la façon de parler, la façon de parler, c'est important. Le pauvre, lui, il parle en essayant de jouer aux riches. Les riches sont ceux qui sont capables d'apprendre l'anglais. Alors, attends-moi sur le corridor, je m'en viens back, tu sais. Tu t'en vas, va aller chercher mon beau towel, parce qu'on va tout avoir, bon. Et puis, tu as tout le paquet d'expressions comme ça qui vont faire en sorte que finalement, tu as ton troc, c'est cool, c'est weird. Et progressivement, en termes de réincarnation, on parle un franglais. Pourquoi? Uniquement parce que ça, c'est quelque chose de riche. Pendant longtemps, c'était évident que l'être humain qui avait la peau blanche, blanche, blanche, était riche. Parce qu'il ne travaillait pas. Il avait donc des servantes, des servants. Les autres étaient bronzés, ils travaillaient. Et à un moment donné, quand on n'a plus eu de servantes et de servantes, on s'est ramassé au Québec. Les riches ont commencé à aller dans le sud, ils revenaient bronzés. Bien là, maintenant, il fallait plus être blanc, il fallait être bronzé. Symbole de la richesse, l'inverse d'avant. C'est des folies humaines. À part ce qu'il y a des cycles de réincarnation, on cherche les mêmes choses. Ça veut dire que vous devez comprendre ce qui est intelligent, esthétique, aristocrate, ce qui est correct. On sait ce qui est correct. Puis là, on décide de vivre comme ça. La vie fait pas le moine, ça c'est un imbécile dans l'astral qui a dit ça. Parce que la vie fait le moine en maudit. Bon. C'est évident que c'est pas parce qu'à un moment donné, on s'habille en riche qu'on est riche. Hein? On était bien riche. C'est déjà ça. On était bien riche et tout. Sauf qu'en changeant notre façon. Puis là, il y a un problème. C'est que si on part de moins 5 pour se garocher à 15, on va être un parvenu. Un parvenu matériel, un parvenu spirituel. La personne ne connaissait rien, puis là, subitement, elle accroche, elle s'en va chercher des livres d'une librairie ésotérique, elle a dit plein d'affaires, puis après ça, elle veut en parler à tout le monde, là. Elle est parvenue spirituelle, c'est dans un danger. On y va étape par étape, on améliore lentement son esthétisme, sa condition de vie. Un collier de perles, par exemple, ben oui, une dame peut se l'acheter, oui, mais tu sais, c'est 300, 400, 500$. Oui, mais de temps en temps, il faut que tu aies l'argent, tu t'endettes jamais pour monter d'étape. Jamais. Mais là, oui, tu mérites énergétiquement un collier de perles. Puis c'est pas une question de pavaner. Le parvenu va pavaner. Bon, à un moment donné, l'homme, ça va être la même chose. Ça va être une ceinture, ça va être une automobile, ça va être des souliers, ça va être pour son enfant quelque chose. Mais pour asseoir où il est rendu énergétiquement et non pas pour jouer à. Et là, ce qui va arriver, c'est que tu coupes les canaux de ce que tu veux plus. Un enfant, par exemple, qui va s'habiller plus convenablement, qui va attacher ses souliers, qui va lentement mettre sa chemise dans ses culottes ou qui va mettre au moins du linge qui lui va, mais progressivement, il va réincarner de la jeunesse, mais de la jeunesse de riche. Donc, chez lui va descendre l'expérience des affaires sans qu'il ait à apprendre. Il va subitement commencer à avoir le goût. Il va apprendre plus vite à l'école. Pas du jour au lendemain, mais c'est important. Bon. Sauf qu'il faut en même temps expliquer à l'enfant ou à l'adulte pourquoi il doit vivre des choses. Si je vous force à vous habiller mieux, bien, vous allez en même temps, vu que vous allez être frustré, vous allez lutter contre. En luttant contre, vous allez toujours générer chez vous des mémoires anti ce qu'on vous demande. Donc, ça fonctionne mal. Ça fonctionne, mais mal. Alors qu'on doit expliquer. Puis progressivement, ça vient. Il y a une famille dernièrement, il a leur plus vieux, s'habille du linge pour bien, bien grand, bien la manche. Sa chambre est toujours en désordre. Le plus jeune, lui, est habillé, lui, avec une boucle. Hein, puis il est vraiment, vraiment pas vieux. Hein, c'est 7 ans. Et puis toujours propre, sa chambre en ordre, etc. Bon. Là, le plus vieux, subitement, là, maintenant, a commencé à s'habiller plus propre, à s'ajuster un peu plus, puis à faire le ménage. Le plus jeune a commencé à s'habiller tout croche, puis a commencé à faire le ménage. Oui, c'est la même entité qui était chez lui qui vient maintenant de sauter dans l'autre. Au même âge où le premier était ramassé, que ça va le tenir probablement 2, 3, 4, 5 ans, ça va sauter dans le plus jeune qui va suivre. Ça s'en vient comme ça. Et ça, il faut qu'on observe les parents. Puis le parent, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce que les parents peuvent aller... On peut-tu les couper chez un autre? Tu lui expliques, puis lentement, l'enfant est intelligent. Tout le monde s'habille convenablement. Tout le monde fait un peu de ménage, ou un petit peu de désordre, bon. Les choses semblent se déplacer tout seul. C'était beau faire du ménage, m'a donné des coups de pain, ça sortit du gilet. Ça marche, ça va être bon. C'est pas de notre faute, c'est sûr. Les boss s'allient tout seul, puis c'est bon. Mais on lui explique, puis si on lui explique, pas si on l'oublie, si on lui explique, il va finir par comprendre, ça fonctionne à peu près tout le temps. Bon. Mais en tant qu'adulte, nous, ce qu'on doit faire pour éliminer les réincarnations qui sont dangereuses, les réincarnations qui nous obligent à toujours refaire ce qu'on veut plus faire. Ça fait des années qu'on veut arrêter de faire une chose, ça fait des années qu'on veut faire quelque chose qu'on ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'on se fait réellement charrier par les mécaniques réincarnationnelles. Donc, nécessairement, en commençant une petite chose à la fois, puis en changeant sa vie. La première chose qu'on doit changer, c'est le linge que l'on porte, on doit le porter convenablement. Je rencontre des hommes d'affaires, souvent, moi, qui ont une cravate, le bout, c'est détaché, cravate, ouais. Proche, c'est maison ou maison faute, c'est bestant, mais une, mais là, comme du monde. Parce que tu peux être extrêmement aristocrate, pas de cravate. Tu peux être extrêmement aristocrate avec une cravate. Mais tu peux être extrêmement pas aristocrate, anti n'importe quoi, avec ou sans. C'est pas une question d'en avoir un ou de pas en avoir. T'as une bague, t'as la mets ou t'as la mets pas, ça change rien. Ce qu'il veut de comprendre, c'est que l'ombre de forme, c'est pas une question de richesse, ça n'a rien à voir avec ça. Les choses se placent lentement. L'être humain doit commencer pour contrôler sa structure réincarnationnelle. Ça va être évidemment de s'arranger pour vérifier son nombre de formes. Ça veut dire qu'est-ce que je fais quand je me couche, changer les habitudes d'un par-ci par-là. Puis ça, même en psychologie, on ne comprend pas la mécanique. En psychologie, on va dire à quelqu'un, écoute, tu bois toujours les samedis soirs. Tu sais, qu'est-ce que tu fais quand tu finis de travailler, par exemple, le vendredi? Puis là, on va essayer de voir l'habitude qui l'amène à boire le samedi soir alors qu'il ne veut pas boire. Puis lentement, on va dire, écoute, pars plus à 4 heures, pars à 5 heures. Passe plus par ce chemin-là, arrête à telle place, va voir un ami, casse tes habitudes. Mais en cassant tes habitudes, c'est ton nombre de formes événementielles que tu changes, puis nécessairement, lentement, ça va s'en aller. Ça ne va pas tout de suite parce que tu es imbibé de ce qui possède de niveau réincarnationnel. Il faut se tenir avec les individus qui nous plaisent le plus. Je dis souvent se tenir avec les gens de même calibre. Très important. Arranger son nombre de formes au maximum du point de vue du langage, du point de vue de ce que l'on fait. Puis progressivement, l'humain va finir par se connecter à des choses qui sont beaucoup plus près de sa réalité. C'est d'aller chercher une énergie type et non pas un personnage. Le personnage n'en a rien à voir. Qu'est-ce qui fait que ce personnage-là est beau? Mais ça, c'est intéressant. Mais je parle aussi dans le passé. Même chose. Si vous ne connaissez pas la beauté, vous ne pouvez pas la voir chez quelqu'un. Hein? C'est bon. Si vous la voyez chez quelqu'un, c'est quelque part chez vous, vous habitez. Puis le problème, c'est que l'humain, quand il se regarde dans le miroir, il ne voit pas la beauté. Ça vous est déjà arrivé de vous regarder dans un miroir et vous trouvez beau? Moins vieux, plus jeune, moins de rides, moins de boutons. Puis le lendemain, vous vous regardez, puis ça, par là, je fais, c'est passé, c'est lui. L'illusion, hein, c'est une vraie farce. Demandez-vous comment ils font pour vous aimer les autres. Ils vous voient beau. L'être humain, est pas, c'est vraiment, vraiment, vraiment, vraiment une connerie, une farce. Je connais quelqu'un qui avait le nez tout cassé. Les gens l'aimaient. Il s'est fait arranger le nez. Les gens n'ont pas trop remarqué. Les gens l'aiment quand même. Ceux qui l'haïssaient, ils disaient que t'es laid. Maintenant qu'il y a une fête, et que tu étais peut-être à dépenser de l'argent à faire, il est haïssé toujours autant. Il n'y a pas de beauté. Dans la réalité, il y a des laideurs ni beauté. Bon, une question d'énergie. Ce qui fait que lorsque l'humain s'arrange pour être convenable, un peu de parfum, c'est bon. Pourquoi pas? Parce que ça augmente la vibration à cause de l'odeur. Non. C'est que ça vient asseoir. Tout le monde en a besoin. L'humain, il doit s'asseoir dans son aristocratie. Alors, quand je parle de... Si, par exemple, vous trouvez que quelqu'un est intelligent, parce que vous êtes intelligent, parce qu'il est seulement intelligent, parce qu'on est intelligent hier. Bon, mais l'humain ne s'en rend pas compte, dit qu'il est intelligent. Et j'aimerais être intelligent comme lui, ou comme elle. Comment tu sais qu'il est intelligent? Mais c'est parce qu'il est intelligent. Sauf que maintenant, là, regarde un peu, essaye de vibrer sa vie, pas de copier sa vie. Il y en a qui ont voulu copier le Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vont tous se crucifier. Mais c'est intéressant, le gars, il a été tout, sauf ça. Mais franchement, le gars, il n'est pas venu au monde, il est venu les bras de main. Mais les gens ne suivent. C'est le spectacle humain qui veut le copier. C'est ça qui va être l'idole. Pas ça, l'idole. Mais comment l'incarnation cohabite avec les réincarnations? L'incarnation, c'est ce qui est la mécanique de l'intelligence, puis c'est ce que la religion appelle la petite conscience, là, puis une jasette de temps en temps, là. Quelque chose que tu n'écoutes pas, là, puis tu n'as pas trop écouté, là, puis quand tu as fait ton mauvais coup, tu te dis OK, bien. Moi, j'ai passé ma jeunesse à dire, écoute, là, je sais que je fais ce qu'il faut pas, là. Moi, je mangeais des grosses boîtes de conserve, des garnitures à table. Mais j'aimais pas ça. Mais maudit que l'emballage était beau. Fait que là, j'en piquais une, ça dans ma chambre, j'ouvrais 3-4 cuillerées. Ah, c'était pas bon. J'étais sorti du lit pour la nuit, que j'oubliais le lendemain. Ma mère, elle en trouvait 3-4, elle m'a amené avec la moisissure dedans, la pénicilline. Puis, en tout cas. Mais ce qui était bien, c'est que moi, je répétais sans cesse quand j'ouvrais ma canne, là. Je sais que c'est pas correct ce que je fais. Mais lâchez-moi pas, c'est continuez à me le dire! Donnez-moi de continuer à me le dire! Là, j'en vous fais X, c'est pas bon, je sais que c'est pas bon, on va vous faire un autre! Je sais! Mais continuez à me le dire! Tandis que l'humain, ça va être, je suis faible, puis j'en côté. Mais non! Puis quand tu dis ça, je suis faible, c'est ça, là, il réincarne. Bien, il réincarne ceux qui mangent la claque, ceux qui se font ramasser, il réincarne les ceux qui rentrent. Oui, mais c'est arrangé pour qu'il s'en sorte pas de même. Ben oui. Parce que c'est un cercle vicieux, il se sent toujours plus coupable, puis quand tu te sens coupable, il s'en sort pas. J'en voulais pas, c'est triste, c'est dégueulasse. C'est pas cuit rien, puis mais l'emballage, j'aurais mangé l'emballage. Et ma mère, elle m'aurait mangé moi. Elle me fait pas mal sucré. Mais, pour moi, j'en mangeais pas. Je n'ai jamais rien fait de pas correct depuis que je vis. J'ai toujours fait ce qui était parfait. Mais on m'en a fait faire, par exemple. Là. Oh boy! C'est le même pour tout le monde. Il faut comprendre les choses. C'est pas... Bon, vu que c'est pas moi, puis on est manipulé. Écoutez, quand vous êtes en train de vous battre avec vous-même, ne pensez pas que c'est vous autres. Quand vous regrettez ce que vous avez fait, là, si vous ne l'avez pas fait, vous êtes suffisamment intelligent. On se ramasse à le faire. Ça, c'est autre chose. Vous êtes manipulé. Et les réincarnations, c'est une grande, grande partie de ce qui serait l'humain. Il faut mettre fin, pour atténuer énormément, puis lentement, aller chercher dans l'historicité humaine l'expérience qui est bénéfique, c'est de s'arranger pour changer son onde de forme. L'onde de forme du point de vue énergétique, donc vestimentaire, événementiel, au niveau de ce qui se passe en dedans, au niveau de notre gestuelle, au niveau du contact avec autrui, pour progressivement réaligner le processus pour aller chercher une alimentation réincarnationnelle qui va être extrêmement digestible, donc qui va nous nourrir. Y a-t-il une utilité à aller chercher ou à aller voir les réincarnations du passé pour les individus? Là? Non, dans quelques rares cas, oui, mais c'est réellement, c'est pas nécessaire. C'est quelqu'un pas... qui veut savoir ce qu'il vit, donc ce qu'il réincarne du point de vue des mémoires. Il y a surtout un danger, parce que les gens finissent par penser qu'ils sont ça. Un être humain qui ne se sent pas médiocre, un être humain qui est capable de s'aimer, il peut aller fouiller s'il veut. Pas de danger. C'est rare. Ah, mais maudit, j'étais Pythagore, etc. Mais quelqu'un qui ne s'aime pas, c'est la majorité de l'humanité. C'est ça, c'est pas vrai. Et s'il va voir dans le passé, il va dire, mais maudit, j'étais Pythagore, mais tabarnouche, tassez-vous. Lui, il va absolument vouloir que Pythagore, que je suis Pythagore. Parce que là, il va donner de la valeur quand il va découvrir ce qu'il était. Mais sa valeur n'est pas ce qu'il était. Pythagore n'a rien à foutre aujourd'hui. S'il pourrait revenir en chair et en os, il capoterait tout de suite. Bon. On n'a pas plus de valeur subitement parce que vous étiez tel roi ou tel personnage. On a de la valeur pour ce qu'on est aujourd'hui. Mais l'expérience qui peut m'habiter peut être l'expérience d'un personnage, tant mieux. Si moi je réincarne Napoléon, puis à un moment donné, je m'en vais faire une guerre, je vais savoir qu'elle va me servir de canon. Bon. Mais c'est tout. Mais je me promènerai pas, tu sais, je vais pas clamer l'Infabelle, puis là, Joséphine, puis j'aurais hâte que la Bonaparte, etc. Finalement, on doit choisir notre alimentation astrale. On doit choisir notre alimentation en fonction de ce qu'on veut faire là. Puis le contexte, le cadre, puis si c'est évident que ça va se réincarner, ça va être tellement plus intéressant. On fait une pause et on revient pour la prochaine conférence.